Ainsi, moins d'un mois seulement, après son arrivée à la cour, Fabrice avait, tous les chagrins d'un courtisan, et l'amitié intime qui faisait le bonheur de sa vie, était empoisonnée. Un soir, tourmenté par ses idées, il sortit de ce salon de la duchesse, où il avait trop l'air d'un amant régnant. Errant au hasard de la ville, il passa devant le théâtre qu'il vit éclairé. Il entra. Au théâtre, il prit une loge du troisième rang pour n'être pas vu. L'en donnait la jeune hôtesse de Goldoni. Fabrice jeta les yeux sur la jeune actrice qui faisait le rôle de l'hôtesse. Il la trouva drôle. Il regarda avec plus d'attention. Elle lui sembla tout à fait gentille et surtout remplie de naturel. Il demanda comment elle s'appelait. On lui dit « Marietta Valsera ».« Ah » pensa-t-il, « elle a pris mon nom, c'est singulier. » Il ne quitta le théâtre qu'à la fin de la pièce. Le lendemain, il revint. 3 jours après, il savait l'adresse de la Marietta Valsera. Le soir même du jour où il s'était procuré cette adresse, avec assez de peine, il remarqua que le comte lui faisait une mine charmante. Le pauvre amant jaloux, qui avait toutes les peines du monde à se tenir dans les bornes de la prudence, avait mis des espions à la suite du jeune homme, et son équipée du théâtre lui plaisait.